Donc bonjour à toutes et à tous. Déjà, je m'excuse, je ne pourrais pas rester avec vous et c'est un peu cavalier d'ouvrir une journée et de ne pas rester, mais je dois aller au ministère cet après-midi. Donc j'ai guère le choix. D'abord, un mot effectivement pour les nouveaux doctorants, alors vous n'êtes pas tous là, mais voilà. Vous dire que vous avez fait un beau choix, un choix qui va vous engager pour quelques années, qu'il y a un beau choix pour vous et qui est important pour notre école. Donc je vous remercie de vous lancer dans cette aventure. La communauté des doctorants de l'ENSAG, elle compte une quarantaine de personnes. Vous êtes une communauté à part entière de cet établissement. Et j'espère que l'on vous octroie la place, qu'on vous dédie la place que vous méritez en tout cas parmi nous. Voilà, vous serez sans doute mobilisés cette année encore sur quelques-uns des chantiers que nous avons apportés tous ensemble. Je pense notamment aux réflexions sur le projet d'école, parce que voilà, on va forcément réfléchir aussi sur la recherche, l'articulation et l'adossement enseignement-recherche et d'autres sujets encore voilà, que vous pourrez effectivement largement nourrir. Vous rappelez aussi peut-être des choses qu'on avait discutées l'année dernière, c'est qu'au-delà des connaissances que vous allez développer, que vous avez déjà, qui feront de vous des spécialistes dans votre domaine et sur votre sujet, à travers votre parcours, vous allez aussi développer des compétences rares, transversales, d'écriture, de structuration de la pensée, de beaucoup de choses. Et ça me fait penser à la conférence que vous avez donnée hier soir et dont je vous remercie, et qui était un bel exemple, au-delà même du contenu que vous nous avez transmis, de la façon dont on construit un raisonnement dans la recherche académique et dont on développe. Et voilà, donc je vous remercie à double titre pour le contenu, mais aussi pour la forme qu'il a prise, que vous lui avez donnée. Donc voilà, c'est quelques mots d'introduction. Je crois que j'ai dit ce que je voulais dire. Je ne sais plus très bien. Donc voilà, je vous remercie en tout cas pour cette invitation. Je tâcherai d'être présente comme j'ai tâché de l'être l'année dernière aux deux ou trois autres temps de cette année 2016-2017. Et voilà, je vous souhaite un bon travail.